Chapitre 14e, mariage. Le lendemain, fête encore. Aloïs fut solennellement baptisée, puis mariée avec Delio. Les populations de deux villages voisins avaient été invitées. Tam-tam, flûte, guitare indigène, firent rage. On but de la bière, on but du rhum, on dansa toute la nuit. Au jour, tout le monde s'endormait dans l'épuisement de la fatigue.